Ouais mon pote on est dans l'extrême, je vois que du lourd là y'a plus d'extrait. Désolé du choc on fait pas exprès. Nous c'est dans la zic qu'on s'exprime, dernière panneau. Mon clair au Gucci dans un Viano. J'ai mal à dégaine, on vient de la banlieue mais c'est validé jusqu'à Milano. Y'a ceux qui parlent et y'a ceux qui font, y'a ceux qu'on tient, y'a ceux qui ont. Ils usent des bites pour du givant chiffre et depuis des piges demande à caisson. J'ai arrêté de compter mes B22, ils ont pas 20k, ils font les mafieux. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de jaloux et que les mapés ça faisait des envieux. J'ai vu les jaloux quand j'ai débité. Réputé pour faire du sale, y'a que la prison qu'on veut éviter. J'ai vu les jaloux quand j'ai débité. Réputé pour faire du sale, y'a que la prison qu'on veut éviter. Je suis dans la ville, tourne avec les gars, on fait du cash, on fait du bise. Je retombe sur mes bras, j'ai pris des kilos, paquet dans le bédo. J'attends les giros, je me suis levé. On fait les sommes, on vend la bonne. Bonne, on fait les sommes, on vend la bonne. J'ai passé l'âge de faire demi-temps, parle-moi gros montant. J'écoute personne, j'ai vu trop de mythos. Pas du succès, zéro demi-tour, je m'attache à personne, y'a que des moutons. Faut des connexions comme Bumpy Johnson, Guadeloupe ou les Dumpton. On vient dans ta tête, on descend de la caisse, ça vise pas en l'air comme au Babington. J'suis dans la fusée, j'ai trop connu le banc des accusés. Tu sais que petit, on voulait percer, on a fini mes cras au point d'abuser, on est grave rusé. Et pour le succès on va pas sucer. J'y verrai mes frères qui sont sous écrous secs. J'suis dans la ville, j'tourne avec mes gars. On fait du cash, on fait du biz. J'retombe sur mes pas au cas où j'tombe. J'ai pris des kilos et pas que dans le bédo. J'attends les giros, j'me suis levé tôt. On fait les sommes,